Merci beaucoup hein, pour cette invitation. Alors, comme je le disais, c'est un petit peu étrange pour moi, a priori, d'intervenir dans un atelier sur religion et inégalité sociale, classe sociale. Alors que la classe sociale, ça va, je pense que c'est à ce titre que je suis là, puisque j'ai réfléchi sur cette notion hein, depuis ma première enquête, hein, dont je parlerai un peu sur les cadres expatriés dont ma carrière s'inscrit dans une perspective internationale. J'ai travaillé sur le syndicalisme, sur les mobilités étudiantes, etc., donc sur les inégalités sociales dans la mondialisation. Mais donc au moment de l'invitation de Yannick Fer, je me suis aperçue qu'en fait, je n'avais jamais intégré la dimension religieuse dans ma réflexion, à aucun moment. Et je lui ai dit que c'était certainement un tort, un oubli de ma part. Hein. En réfléchissant bien ensuite... J'ai retrouvé, la seule chose que j'ai retrouvée dans mes terrains d'enquête, c'est des enquêtes, j'avais fait des enquêtes dans les églises américaines, suédoises, allemandes dans les années 90, mais je les avais envisagées pas du tout dans une perspective religieuse, mais comme lieu de sociabilité pour les femmes expatriées à Paris. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire, voilà, ma connaissance de la religion s'arrête là. Donc voilà, j'ai essayé de dire non, j'ai pas réussi. Donc je suis là. Donc je suis là effectivement a priori pour parler plutôt des classes sociales en l'articulant à la question de la mondialisation. Alors c'est vrai que j'ai donné une bibliographie. Alors c'est peut-être mon inconscient qui a parlé. Enfin. Parce qu'il n'y avait rien à voir avec la religion, mais ça m'a amusé de voir qu'on trouve quand même dans la littérature sur la mondialisation et les élites de la mondialisation plusieurs termes à connotation religieuse, hein, notamment chez les auteurs de mon laboratoire, et je n'avais jamais remarqué ça auparavant, donc peut-être que moi aussi ça va me désenclaver. Donc Yves Dezallée parle des missionnaires de l'universel, François Denord donne pour titre à son article hein, « Le prophète, le pèlerin, le missionnaire ». Donc voilà, mais bon, si je parle de la bibliographie, c'est surtout parce qu'entre-temps, il y a eu deux, sur la question de la mondialisation et des classes sociales, ou plutôt de l'Europe et des classes sociales, il y a eu deux titres hein, qui viennent de deux ouvrages, enfin deux références qui viennent de sortir sur l'articulation entre la notion de classe sociale et un espace supranational, en l'occurrence européen, que je vais utiliser parce que ça va m'être utile pour actualiser un peu mes données. Donc d'une part, le livre de Cédric Hugré, Étienne Pélissa et Alexis Spire, Les classes sociales en Europe. Et d'autre part, le dernier numéro d'Acte de la recherche en sciences sociales sur les classes sociales européennes. Donc deux publications qui traitent de la question que je vais aborder, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut utiliser la notion de classe sociale dans un espace transnational. Et voilà, l'intérêt de ces deux publications, c'est qu'ils donnent énormément de données empiriques sur comment est-ce qu'on peut mesurer, positionner les différentes classes sociales. Donc j'organiserai cet exposé en trois temps. Donc d'abord, je poserai la question de la notion de classe sociale au niveau international. Comment est-ce qu'on peut penser les classes sociales au niveau international? Je montrerai ensuite comment la circulation internationale des hommes, des biens et des croyances, effectivement, même si j'en parlerai pas spécifiquement, produit des effets différenciés sur les différentes classes sociales, sur les rapports de classe. Et je terminerai en posant la question de l'existence de classe au sens de classe organisée, mobilisée au niveau international. Donc comment utiliser la notion de classe sociale au niveau international? Ça ne va pas de soi, ça pose un certain nombre de problèmes à la fois théoriques et méthodologiques, puisque les classes sociales se construisent dans des espaces nationaux spécifiques, hein, qui leur donnent leur spécificité. Alors, peut-être sans revenir sur tous les débats et controverses sur ce que c'est un peu scolaire, hein, sur ce que c'est qu'une classe sociale, je vais peut-être juste revenir sur quelques points importants sur cette notion du point de vue de mon exposé. Il y a des conceptions différentes hein, des classes sociales qu'on oppose régulièrement, hein, schématiquement la tradition marxiste qui insiste plutôt sur la position dans le mode de production des différentes classes, hein, avec les développements qu'on trouve chez Marx hein, qui sont importants pour penser les classes, de la distinction entre la classe en soi avec des intérêts communs et la classe pour soi qui a conscience de ses intérêts et qui est mobilisée pour les défendre. Et par ailleurs, la tradition, disons plutôt weberienne, qui insiste plutôt sur les dimensions symboliques, statutaires, qui peuvent ne pas recouper les positions économiques. Le point commun de ces différentes traditions, c'est la définition relationnelle donc des classes sociales, l'idée que les classes ne peuvent être définies que les unes par rapport aux autres, hein, dans un rapport d'ailleurs souvent conflictuel ou concurrentiel, hein, donc que ce soit avec des intérêts antagonistes ou dans des luttes de concurrence pour le prestige, hein, ou pour la reconnaissance. Donc l'idée que le terme de classe, comme je vais l'utiliser, renvoie à des différences de position objective, mais aussi donc à des stratégies de distinction, de différenciation, à des frontières culturelles entre les groupes. C'est en cela que peut-être l'analyse en termes de classe se démarque d'une démarche juste classificatoire, où on décrit des populations différentes. Alors, donc ce sont justement ces éléments et justement la dimension relationnelle, hein, de la notion de classe qui explique l'ancrage national des classes sociales, puisque il y a le rôle bien sûr de l'histoire, hein, les classes sociales se sont construites dans des histoires nationales contrastées, hein, la bourgeoisie en France se construit, hein, par la compétition puis l'assimilation à l'aristocratie, ce qui est très différent de ce qui se passe en Allemagne, ce qui donne deux bourgeoisies relativement différentes. Le mouvement révolutionnaire est très important dans la construction du mouvement ouvrier français, mais pas du tout en Angleterre. La paysannerie joue un rôle central dans la construction des rapports de classe au Portugal, etc. Donc les classes ne sont pas les mêmes, hein, à cause bien sûr de cette diversité des systèmes productifs dans les différents pays. Donc là, on a le livre sur ces différences objectives. Hein, je trouve que le livre de Hugré, Penissa et Spire est très utile, hein, parce qu'il décrit très bien ces différences, hein, en montrant comment en Europe de l'Est, hein, en Roumanie, en Bulgarie, les classes populaires, ce sont essentiellement des agriculteurs ou des ouvriers agricoles. Voilà, au Royaume-Uni, en Suède, ce sont plutôt des employés non qualifiés et plutôt des femmes, etc. Les classes supérieures en Grèce, ce sont des médecins, en Allemagne, des cadres supérieurs d'industrie, etc. Donc ce sont des différences, hein, qui rendent difficile de penser des classes réellement, ne serait-ce qu'européennes. Il y a aussi des différences, bien sûr, hein, dans le droit du travail, dans les relations professionnelles, dans le système, dans l'offre politique, etc. etc. D'où ces catégories qui sont difficilement traduisibles, hein, d'un pays à l'autre. Hein, on connaît la notion de cadre, hein, qui se traduit mal dans d'autres pays, ou les professionnels anglais qui correspondent à des populations différentes en France, etc. Et les problèmes méthodologiques qui vont avec, hein, les catégories statistiques ont aussi cette histoire nationale, et c'est compliqué de trouver des catégories, même si maintenant il y a la nomenclature ESSEC qui est très utile en Europe, c'est difficile de trouver des catégories qui rendent vraiment compte de la répartition des populations dans des pays différents. Il y a un autre obstacle, hein, qui est peut-être un peu plus différent, c'est l'idée que je renvoie plutôt à une thèse, la thèse des postmodernes, l'idée que la notion même de classe sociale se diluerait avec la mondialisation, la fluidité des échanges, hein, la globalisation. L'idée que la mondialisation brouille finalement la perception des rapports de classe. Alors, très concrètement, par exemple au niveau des entreprises, la globalisation financière se traduit par la domination donc de marchés financiers internationaux. On parle du capital financier international, etc. Mais du coup, ça déplace les rapports de pouvoir au sein des grandes entreprises, effectivement, vers un actionnariat financier international relativement abstrait. Qui est bien éloigné en tout cas de l'image traditionnelle du capitaliste. Pareil, hein, donc qui sont les exploiteurs, est-ce que c'est des retraités américains, des fonds de pension, etc. Qui sont les exploités quand l'Europe est présentée comme une Europe de la connaissance, hein, et des services, et que les industries semblent être délocalisées dans des pays de plus en plus lointains. Donc ces transformations brouillent finalement à la fois la perception et les frontières de classe. Ce qui va dans ce sens, hein, c'est aussi les sondages qui montrent, hein, de manière dont tombent pratiquement tous les pays européens, le déclin du sentiment d'appartenir à une classe sociale. Donc il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Mais on peut aussi lire dans une perspective opposée ces effets de la mondialisation sur les inégalités sociales, puisqu'il y a aussi, d'un autre côté, une visibilité croissante des divisions sociales face aux enjeux internationaux. Donc on le voit aux consultations dans tous les pays, hein, aux consultations électorales, hein, sur tout ce qui est l'Europe, les enjeux internationaux, etc., qui font vraiment apparaître clairement des inégalités entre les classes sociales, ou sur enfin, voilà, les positions par rapport à l'intégration internationale, à l'ouverture des frontières ou à la mondialisation des échanges, où il y a clairement une opposition entre les classes supérieures qui sont en général dans pratiquement tous les pays plus acquise à l'idée d'une ouverture des frontières et des catégories populaires, donc plus méfiantes vis-à-vis de ces évolutions. Par ailleurs, l'internationalisation des échanges économiques me semble produire des effets très nets sur les différenciés sur les classes sociales, ce qui invite plutôt à reconsidérer les rapports de classe à une échelle qui dépasse l'État-nation. Hein. Donc, comme je le disais, hein, les investissements des entreprises multinationales, hein, ont des effets, hein, sur les ouvriers, les usines, les établissements des pays très, très différents. Les cadres dirigeants des maisons mères prennent des décisions qui ont des conséquences sur les salariés des filiales d'autres pays. On assiste aussi à de nouvelles formes de lutte de classe, hein, contre, par exemple, les délocalisations industrielles. Donc là, je renvoie à, je renvoie à la publication collective du collectif du 9 août, que je trouve très intéressante là-dessus, hein, quand ils ont fermé l'usine, où ils racontent la lutte des Molex, hein, contre la délocalisation, justement, où on voit les nouvelles formes de lutte de classe dans une économie mondialisée. Et évidemment, de nouvelles formes de concurrence et de division entre les ouvriers, qui sont liées à la fois à l'immigration, aux délocalisations, etc. Il y a des travaux qui montrent comment ces rapports de classe internationaux se nouent aussi en dehors même du monde industriel, hein, avec l'exemple par exemple des nounous étrangères, hein, qui renvoient à de nouveaux rapports de domesticité qui mettent aussi en jeu des rapports internationaux. Donc des principes d'inégalité et de domination qui se surajoutent aux rapports classiques nationaux entre classes sociales. Alors comment analyser ces classes sociales au niveau international ? Alors donc, sur la dimension empirique, hein, je renvoie toujours au livre que je viens de finir, là, que je trouve très utile, hein, de Hugré Penissa-Spyr, hein, où ils construisent, ils arrivent en utilisant la nomenclature ESSEG, donc European Socio-Economic Groups, à construire un espace européen où s'entremêlent les dimensions sociales et les dimensions nationales. Ils montrent que c'est artificiel de les opposer. Donc on a en bas les classes populaires d'Europe de l'Est et du Sud, hein, donc ils appellent les soutiers de l'Europe, puis les classes moyennes de l'Est et du Sud, et les classes supérieures avec deux fractions, la fraction dominante, celle du Nord, et la fraction dominée, les classes supérieures de l'Est ou du Sud, qui sont dominantes dans leur espace national, mais dominées au niveau européen. Alors une autre perspective, donc ça c'est une perspective donc plutôt, où on essaye d'articuler, de redessiner les rapports de classe, hein, à une échelle supranationale. Ma perspective était un peu différente, un peu symétrique, c'est ce que je vais présenter maintenant. C'est regarder à l'inverse ce que fait l'ouverture internationale aux différentes classes sociales, comment l'international construit de nouvelles frontières sociales. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire dans différentes recherches, hein, en montrant comment la mondialisation accentue ou crée de nouvelles frontières sociales, économiques, hein, d'une part, en accroissant les inégalités économiques entre les plus riches et les plus pauvres, hein, du fait de l'évasion fiscale, etc., etc., mais aussi d'une fragilisation des salariés. Et c'est là peut-être que la dimension économique ne suffit pas, puisque si les salariés se sont fragilisés, ce n'est pas seulement donc par des menaces sur leur emploi, etc., mais c'est aussi, c'est ce que j'avais essayé de travailler dans la question du syndicalisme européen, le fait qu'ils perdent aussi de plus en plus la maîtrise des informations sur leur entreprise, hein, c'est-à-dire que la complexification croissante des montages financiers, des crises de participation croisées, des holdings, etc., etc., accroît la difficulté à maîtriser l'information sur leur employeur, hein. Il y a aussi l'absence d'un droit social international hein, qui joue en défaveur des salariés lors des fusions ou regroupements. Donc, j'avais cité l'exemple des salariés de Molex hein, qui n'ont pas réussi finalement à faire reconnaître la responsabilité de la multinationale qui avait décidé de la fermeture de leur établissement. Donc cette découverte que font les salariés qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs puisque les décideurs ne sont plus identifiables souvent comme des personnes. Les patrons locaux ne décident souvent pas grand chose, d'où une dimension relativement désincarnée de la domination, ce qui renvoie à une autre dimension des inégalités dans la mondialisation, donc plus symbolique, donc moins directement économique, mais une dimension symbolique. La mondialisation ne joue pas seulement sur donc les revenus ou les conditions de vie, mais aussi sur l'image de soi. Donc c'est à ça que je pensais en disant croyance plutôt, mais voilà, c'est donc tout un discours qui diffuse l'idée qu'il y a ceux qui bougent, hein, qui sont ouverts, hein, qui ont une valeur positive, et les autres avec un discours qui dévalorise hein, ceux qui sont qui restent cantonné au niveau local, puisque l'ouverture des frontières, hein, il faut le rappeler, est toujours un phénomène de classe, et peut-être même plus qu'à une certaine période, puisque on a vraiment une claire opposition, même au niveau juridique, hein, au niveau du droit de circuler, entre une petite fraction de la population pour laquelle les frontières sont de moins en moins présentes, hein, grâce aux nouveaux moyens de transport, et à la circulation de l'information, etc., etc., donc un encouragement à bouger, à être mobile, et en même temps, pour les non-diplômés, pour les immigrés, hein, il y a une population qui, au contraire, est soumise de plus en plus sévèrement au contrôle des flux migratoires, et depuis les années 70. Donc, paradoxalement, les distances géographiques ou les frontières juridiques sont, au contraire, plus présentes que jamais pour ceux qui sont exclus de ce grand mouvement d'ouverture des frontières. Donc il y a les dimensions juridiques qui sont évidemment très importantes, mais à ces dimensions juridiques s'ajoutent d'autres inégalités qui sont peut-être moins immédiatement perceptibles, plus intériorisées face à la mondialisation, puisqu'il y a ceux qui se sentent proches de gens qui peuvent être très éloignés parce qu'ils participent de la même culture ou peut-être des mêmes croyances. Cette réalité des frontières a presque toujours été un phénomène de classe, c'est-à-dire que ce sont les élites qui ont développé de longue date hein, une culture cosmopolite qui leur fait percevoir comme proche ce qui se passe très loin d'eux. Donc on peut penser à l'aristocratie européenne ou aux lettrés, du Moyen-Âge, etc. Enfin, le fait de parler des langues, d'avoir l'habitude de voyager, d'avoir toujours été à l'étranger, etc., etc., ça définit des nouvelles ressources sociales, qui ne sont pas nouvelles, mais qui aujourd'hui sont particulièrement rentables dans un contexte de mondialisation. Et c'est loin d'être un patrimoine commun. Donc là, on a plusieurs indicateurs hein, qui permettent de vérifier ce caractère toujours très socialement sélectif des ressources internationales. Les compétences linguistiques, hein, qui restent socialement très sélectifs. Hein, donc d'après l'enquête INSEE, hein, les trois quarts des ouvriers en France n'ont aucune connaissance utilisable en langue étrangère. Ce n'est le cas que de 12% des cadres supérieurs. Et donc il y a des enquêtes hein, qui montrent que c'est le cas. Alors c'est plus ou moins sélectif selon les pays, mais on trouve un écart de 1 à 3 de au moins 1 à 3 dans tous les pays européens. Pareil pour le fait d'avoir fait des études à l'étranger. Moi j'entends quelquefois, mais aujourd'hui tous les jeunes vont à l'étranger. En fait, c'est pas vrai. Hein. Ça ne concerne que 3,5% des étudiants et c'est plutôt les plus aisés. Et c'est plutôt quelque chose qui renforce en plus les inégalités entre étudiants, puisque c'est pratiquement la norme maintenant chez les étudiants des grandes écoles, mais ça reste beaucoup plus rare chez les étudiants moins favorisés. Voilà, on peut citer d'autres choses, la lecture de la presse internationale, de la presse en langue étrangère, etc., etc. Donc finalement, ce qui hiérarchise les individus, ce sont des compétences, mais aussi des formes de savoir-faire, de savoir-être. Hein, pour ceux qui ont toujours baigné dans une atmosphère avec différentes nationalités, différentes langues, etc., il y a des dispositions particulières donc, qui font qu'on se sent chez soi, voilà, dans différents pays. D'où le concept de capital international que que je proposais. Donc voilà, comme l'ensemble, à la fois un capital à la fois linguistique, culturel, social, en termes de réseau de relations, avoir des relations de la famille dans différents pays, mais aussi un capital économique, puisque pouvoir bouger, c'est aussi, par exemple, avoir des propriétés dans différents pays. Pour les locataires, c'est plus difficile de s'expatrier. Ce sont des ressources qui fonctionnent comme des instruments de domination. On peut, pour le comprendre, revenir à l'exemple des langues. Parler une langue, c'est à la fois, ça a une utilité pratique, mais aussi une utilité sociale de marquer sa supériorité. Les langues fonctionnent comme des marqueurs sociaux. C'est une culture internationale. Donc j'avais étudié la manière dont elle se transmettait dans des écoles spécifiques, internationales, souvent religieuses d'ailleurs aussi, maintenant que j'y repense. Voilà. Mais pas uniquement non plus. Voilà, des élèves de différentes nationalités sont mêlés et plus ou moins coupés des élèves locaux, mais ils apprennent leurs différences et leur spécificité internationale. Il y a une valorisation morale de l'international qui est très importante en ce moment, une espèce d'injonction à être international, il faut être international. L'élève international, alors c'est très clair dans ces écoles, mais aussi dans tout ce milieu, est défini par sa générosité, son ouverture, sa tolérance. Donc il y a tout un discours de moralisation de l'international qui est très, très important. Donc comme je le disais, ces propriétés sont plutôt corrélées, sont clairement corrélées avec une appartenance aux classes supérieures. Il y a tout un groupe de dirigeants qui ont fait de différentes nationalités, qui ont fait le même type d'études dans des business schools dans différents pays et qui se reconnaissent comme faisant partie d'une même classe sociale qui surtout ont les moyens peut-être de faire reconnaître la valeur sociale de leurs expériences, parce que finalement si on regarde objectivement les différentes classes sociales, on s'aperçoit que le fait de venir de l'étranger, d'avoir de la famille à l'étranger, de parler des langues étrangères, c'est pas du tout propre aux classes supérieures, puisqu'il y a plus d'étrangers dans la classe ouvrière que chez les cadres. La différence, c'est la capacité à faire reconnaître la valeur sociale de ce capital. C'est-à-dire que tout ce qui est valorisé dans les classes supérieures, donc ce que je viens de dire, avoir un conjoint étranger, connaître une autre langue, ou fréquenter une église américaine, etc., etc. Donc c'est plutôt chic dans les classes supérieures et c'est plutôt stigmatisé du côté des immigrés. D'un côté c'est l'ouverture et de l'autre côté c'est le communautarisme. Donc les mêmes comportements ont une valeur radicalement différente selon la classe sociale. Il y a une hiérarchie bien sûr, alors cette différence c'est une différence sociale. Il y a aussi une hiérarchie des pays qui se perçoit à la rentabilité des langues. Parler le bambara, c'est pas comme être bilingue en anglais. Donc aussi à la rentabilité professionnelle des expatriations. Il y a des pays qui sont valorisés, d'autres qui sont moins recherchés, qui éloignent, qui sont plutôt néfastes pour les carrières de cadres. Et il y a d'ailleurs dans ce milieu une vision, dans ces milieux internationaux, une vision assez évolutionniste des rapports entre les pays. Je vais terminer avec mon troisième point. Donc dans la notion de classe sociale, il n'y a pas uniquement c'est la question des inégalités ou même des frontières avec les autres classes. Il y a aussi l'idée d'une conscience de classe et d'une mobilisation des classes pour défendre leurs intérêts ou pour faire reconnaître leur supériorité ou leur spécificité. Est-ce qu'on peut parler de classe mobilisée au niveau international? Alors là, la réponse n'est pas la même selon la catégorie dont on parle. Donc, si je renvoie aux enquêtes empiriques dont je viens de que j'ai présenté. Ce qui est très intéressant sur les enquêtes européennes, c'est qu'on peut vraiment mesurer à plusieurs enquêtes comment chez les classes supérieures, hein, les 20%, je ne sais plus combien, ils prennent 15 ou 20% des catégories supérieures en Europe, on a une très forte convergence des styles de vie, des opinions, des habitudes, des pratiques culturelles, hein, qui se rapprochent entre les différents pays européens. Donc voilà, un cadre allemand ressemble de plus en plus à un cadre espagnol, etc., dans les réponses aux sondages d'opinion, et puis dans son attachement même à l'Europe, hein. Alors que dans les classes populaires, il reste de très grosses spécificités, hein, et dans la composition même, hein, donc j'ai parlé des pays plutôt agricoles, d'autres plus, où il y avait plus de services, etc., mais aussi dans les réponses à toutes ces questions sur les opinions, les habitudes, les styles de vie, etc. Et ça se traduit par des différences dans les organisations collectives et politiques. Donc, il y a une organisation, hein, des classes supérieures ou des classes dominantes, hein, au niveau international, donc il y a pas mal de travaux dans la littérature anglo-saxonne sur l'existence, la mobilisation, l'organisation d'une classe capitaliste internationale. Donc c'est plutôt une littérature marxiste, anglo-saxonne, etc. Alors si on regarde au niveau des institutions qui pourraient marquer l'existence de cette classe, hein, il y a effectivement des forums internationaux comme le forum de Davos, les groupes, des clubs, des groupes qui regroupent, là, les dirigeants au niveau international, hein, donc le groupe Bilderberg, hein, qui est un club international très ancien et un des plus fermés, hein, où se réunissent, hein, les décideurs mondiaux, la trilatérale, qui est créée en 73, etc., et puis toute une série de lobbies patronaux, etc. Donc il y a effectivement une organisation des intérêts dominants au niveau international, même si en réalité le pouvoir dans chacun des pays reste quand même structuré nationalement. Quand on y regarde de plus près, les structures du pouvoir restent très nationales, hein, notamment dans les pays riches, hein, puisque si on regarde, hein, y a pas mal d'enquêtes, hein, qui montrent ça, comment les plus grands patrons sont essentiellement des nationaux qui ont été formés par des institutions, les grandes écoles nationales, les grandes écoles en France ou d'autres institutions de prestige de leur pays. Donc l'idée, c'est, enfin en fait, c'est pas complètement contradictoire, puisqu'on pourrait dire que les dominants, les classes supérieures, hein, les élites savent jouer sur les différents tableaux, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de faire reconnaître leurs attributs comme conférant une légitimité sociale, donc ils peuvent se faire reconnaître comme internationaux quand c'est nécessaire et dans les espaces où c'est utile, ou au contraire comme des représentants des traditions nationales, voilà, dans d'autres contextes. Par contraste, il y a beaucoup plus de difficultés à l'organisation transnationale d'autres intérêts de classe, puisque c'est ce que j'avais montré quand j'avais travaillé sur le syndicalisme européen ou sur le syndicalisme international, hein. Il y a des traditions anciennes de liens syndicaux entre les classes ouvrières de différents pays, mais le syndicalisme européen ou international reste des structures, des mouvements relativement fragiles, hein, qui ont peu de pouvoir, qui sont en réalité de petites structures avec des moyens limités et qui surtout sont traversées de tensions, donc à cause de l'hétérogénéité des traditions nationales, des facteurs de dispersion qui sont très importants entre les syndicats des différents pays. Donc il y a une très forte diversité des cultures politiques et syndicales du mouvement ouvrier qui contraste avec l'unité des intérêts et des références des dirigeants des entreprises, hein, qui de plus en plus parlent la même langue, ont les mêmes références, lisent la même presse, voilà, et alors, pour le coup ont les mêmes croyances, mais alors pas forcément religieuses, voilà, en ce qui concerne le marché, le libéralisme, etc., etc. À l'inverse, les syndicalistes ont beaucoup plus de mal à se comprendre, donc il y a la question de la langue, hein, évidemment, mais aussi de toute une vision du syndicalisme qui est très différente en France, en Suède, etc. Autre obstacle à la formation d'un mouvement ouvrier qui serait international, le fait que comment dire, pour intervenir dans des sphères, dans une sphère internationale, pour faire entendre une voix, la voix des salariés en Europe ou dans au FMI, etc., etc., il faut accepter d'adopter les codes de ces organisations qui sont en fait des codes très bourgeois, très diplomatiques, il y a une atmosphère feutrée, diplomatique, on ne prend pas la parole comme on prend la parole en AG, voilà, donc il faut aussi s'acculturer à ce monde-là très particulier. Et les syndicalistes qui font le travail de cette acculturation se voient accusés, voilà, d'avoir trahi finalement leur classe sociale, en fait. Donc on se moque de ces syndicalistes en costard cravate, tout le temps en avion, qui ne savent plus du tout ce que c'est que le monde ouvrier. Donc une contradiction un peu insurmontable, hein. Soit ils restent près du terrain et donc ils ne sont pas internationaux, soit ils s'investissent dans les questions européennes, mais du coup ils sont soupçonnés de trahison de classe. Donc pour conclure, hein, si on s'intéresse aux groupes, hein, qui existent au niveau international, la mondialisation accroît plutôt les déséquilibres entre dominants et dominés, puisque finalement entre les dirigeants économiques qui sont passés par les mêmes business schools, qui sont unis par les mêmes intérêts, et la même culture des affaires, qui parlent la même langue, qui se voient fréquemment, etc., etc. En fait, la formation de réseaux internationaux suit harmonieusement l'internationalisation de la production. Ça fait partie de leur quotidien de travail, d'être international. À l'inverse, dans les milieux syndicaux, c'est un rapprochement beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué, qui passe par des confédérations, etc., etc., et qui soulève donc beaucoup de contradictions, d'autant que les salariés d'exécution des différents pays sont séparés bien plus que les élites par les barrières linguistiques et les distances géographiques. Donc l'international fonctionne comme un principe de domination à la fois matérielle et donc symbolique, puisque c'est aussi tout un système de croyances, hein, qui est en jeu. Donc j'ai insisté sur cette dimension symbolique, hein, qui est très, très importante, hein, puisque cette dimension d'éthique, d'ouverture sur l'autre, de tolérance, c'est aussi ce qui permet de revendiquer une supériorité morale et intellectuelle, hein, par rapport à ceux qui sont dépourvus de ce point de vue surplombant et qui ne connaissent que le niveau local. Donc la mondialisation conforte plutôt la position de ceux qui sont en position dominante, mais elle contient aussi en germe, hein, des facteurs de transformation, des équilibres anciens. J'aurais quand même terminé par là, puisque par exemple j'ai parlé du syndicalisme européen, mais c'est aussi une filière particulière d'internationalisation qui permet à des ouvriers ou à des immigrés qui parlent les langues, ou à des frontaliers, etc., de valoriser leurs ressources internationales, a priori qui ne sont pas des ressources élitistes, dans un espace européen. Donc ça permet, ils n'ont pas fait d'études dans des écoles internationales, mais ils peuvent mobiliser d'autres formes de savoir-faire internationaux acquises par d'autres expériences. Donc la mondialisation peut aussi changer la donne, faire émerger de nouvelles filières, de nouveaux enjeux. Voilà, et du coup, je pense que ça peut être tout à fait stimulant d'envisager le rôle des religions, hein, qui sont aussi des filières internationales, qui traversent les frontières nationales, dans ces processus de recomposition des classes sociales. Même si, je suis désolée, je ne l'ai pas fait du tout dans mon exposé. Voilà, je vous remercie.